Let's do it, bitch. نهضرو سيريو الحق 2062 نهضرو سيريو ششرة سي سيري في الميليو باش تضرب هاي اللي قد تكون حيلية عملية واحد للخالق والباقي لي زي لكايمون كايمون كوا متني للحد صاحبي ما نتكلع على حتى حد على حتى عطاي لحسن الحد ها واه مازال كاين الريجال هاي ما غير العيلة وما هي بابا فاميليا غير هما اللي قبلوني بخنونتي إلى بنتك ما تكبر سقسي حبابي جاي محلومي مر فوكو فيح باللونجلي إلي غن جونجلي فيزيون جو نلعب كوليكتيف ديما on slow motion شوية شارلك كومز بلاك لاسا اوشن Chacun sa manière, forger les doutes, faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, remet les couverts. À chacun sa bannière, sa galère, à chacun sa carrière, chacun sa manière, porter ses couilles, mec. Chacun sa manière, forger les doutes, faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, remet les couverts. À chacun sa bannière, sa galère, à chacun sa carrière, chacun sa manière, porter ses couilles, mec. Es geht niemanden sonst, es geht dich und mich. Wir haben schon damals ein paar zusammen die Mission gekippt. Und ich hab dich immer verteidigt, wenn wir gegen dich was sagte. Mein Grund zu atmen, gegen Gift der Straße. Wo der Schenk dran lebt, Bruder. Dreck und Stress macht gleich schwer. Du bist mehr als Apple Caps und Nike Airs. Völlig im Wahn, macht im Minimum ein Track pro Tag. Das erste Tape gemacht, als ich 16 war. Ich lebe zwischen Liebe und Hass. Sprach auf Beats, dann im Takt waren die Glieder mal schwach. Wenn die Krise kam, schrie's in die Tiefe der Nacht. Macht mir Luft, denn die Welt, sie beliefert mein Hass. Nur ein Augenblick, Wimpernschlag, Schuss bis zu meinem Schlag. Schrieb einen Text, bevor ich Frust in mich reinfraß. Selbsttherapie, diese Liebe kennt keine Landesgrenzen. Alger, die Frankreich, für alle, die anders denken. Chacun sa manière, forger les doutes, faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, remet les couverts. À chacun sa bannière, sa galère, à chacun sa carrière, chacun sa manière, porter ses couilles, mec. Chacun sa manière, forger les doutes, faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, remet les couverts. À chacun sa bannière, sa galère, à chacun sa carrière, chacun sa manière, porter ses couilles, mec. Plus rien à prouver, ça les putes le savent. Tout plaqué pour leur gueule, il manquait plus que ça. Immonde, brutal, silence, action, j'brûle ça. L'Oranais, les griffes acérées pour mieux creuser dans ses cul-de-sac. Incompris, à l'heure où les plumes se vendent à bon prix, j'suis resté authentique quand le public demandait des trucs sales. Bienvenue dans l'infanterie. Trois pattes et cul-de-jack, toujours debout, même sur les rotules. Vu le taf accompli, et j'ai tourné la tête quand certains disaient que la plupart tapinaient. Quand le vient plus me paradiner, j'baisserai pas ce flûte. Allez, j'n'ai jamais eu du mal à le crier. Bâtard des plus braves, loire, j'aiguise ma lame au cas où j'n'aurais plus qu'une balle à griller. À chacun sa manière, porter sa bannière. À chacun son style, Artex, Saha, frère. Loin de ses bananeurs, j'taxe la prod jusqu'à la plier. Excuse-moi, frère, j'retourne dans mon cocon car j'n'ai plus que ça à faire. Chacun sa manière, forger les doutes, faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, remet les couverts. À chacun sa bannière, sa galère, à chacun sa carrière, chacun sa manière, porter ses couilles, mec. Chacun sa manière, forger les doutes, faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, remet les couverts. À chacun sa bannière, sa galère, à chacun sa carrière, chacun sa manière, porter ses couilles, mec. Chassis, Panis, divers, Algérie, Frankreich, Deutschland, Baker à la prod, Toulouse, Oran, Karlsruhe, Perpignan, mec.